Ce vendredi, à la vie en BD, la demoiselle en blanc, Pierre et la pierre, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art. Et cette semaine, 9e art avec un côté adaptation, adaptation d'une pièce de théâtre en BD. Ce sera notre premier sujet ce soir, donc tout à l'heure, on va jaser avec Éléonore Goldberg et Dominique Parenteau-Leboeuf. Une pièce de théâtre qui s'appelle La Demoiselle en blanc, qui a été adaptée en bande dessinée. Une pièce qui nous amène à travers, et un récit BD qui nous amène à travers les pensées, les réflexions d'une photographie en négatif au fil de l'histoire de l'Allemagne, de l'histoire de cette région de l'Europe. Un récit très, très beau. Visuellement, c'est impeccable. On a bien hâte, d'ailleurs, de vous en parler. Narrativement aussi, c'est une BD qui est très riche, certes, en ce début d'année qui nous arrive de chez Mécanique Générale. Également, deuxième partie d'émission, on va jeter un coup d'œil du côté de l'édition indépendante de Dave Studio qui propose, entre autres séries, Pierre et la pierre. Et on va en jaser avec le scénariste Jean Marquis de cette série. Mais également, ça nous permettra de mentionner donc le nouveau mode de distribution de ces productions portées par Dave Studio qui les amène maintenant vers les dépanneurs de la province. Un peu à l'image, justement, du magazine Zidara 9 dont on avait parlé il y a quelques semaines de ça. Et en fin d'émission, il y aura Marco Duchesne qui viendra faire un tour pour nous proposer quelques titres qui l'ont accroché dans la dernière semaine. Dans l'actualité BD, notamment au Québec, ben, une campagne de sociofinancement qui est à surveiller, Apnée, roman graphique de Sviane qui est adapté en court-métrage. Et oui, en fait, c'est un photographe de formation, Alexis Chartrand, qui s'est toujours été passionné, certes, par l'image, par le son et qui à la lecture du roman graphique de Sviane, de la bande dessinée de Sviane. Il est ému par l'écriture, par la vision de l'artiste et il a désiré porter l'œuvre à l'écran. Donc ça fait 4 ans qu'Alexis Chartrand, nous dit-on, mijote ce projet et il a monté tranquillement son équipe, a obtenu la bénédiction de Sviane et ont rassemblé une équipe de talents empressés, dit-on, de mettre au monde cette adaptation prometteuse. Alors, on annonce un tournage qui va se dérouler vers la fin avril et évidemment ils sont en mode sollicitation. Donc, il y a déjà une partie du financement qui a été attachée. Ils vont chercher d'autres éléments de financement, donc essentiellement pour couvrir le budget de production. Alors, si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce projet, et également, puisqu'il parle de ce sous-financement, bien, il y a beaucoup de contreparties qui sont offertes. Alors, il fallait jeter un coup d'œil. On va relayer. Sur notre page Facebook ce projet. Sinon, également, vous pouvez le trouver sur haricot.ca en cherchant Apnée. Ce sous-financement, vous allez trouver tout ça. Autre nouvelle dans l'actualité, on parle du Festival d'Angoulême 2017. La controverse qui se poursuit maintenant, en fait, c'est le retour, en fait. Donc, ils ont été reçus par le ministère. Donc, que s'est-il passé le 10 mars dernier? Eh bien, dans un communiqué commun, les éditeurs, le syndicat national de l'édition et le syndicat des éditeurs alternatifs ont déclaré que, ben, dans le fond, ils avaient toujours, volonté que le festival subisse une refonte radicale et ce jeudi sont ressortis avec un accord de principe pour la nomination d'un médiateur autour justement de cette besoin de ce projet de refonte. Du côté du milieu de la BD en général, il commence à avoir quelques réactions. Évidemment, on avait parlé la semaine dernière, Jean Mardicane, le cofondateur du festival d'Angoulême, qui appelait Franck Bondou, le président, à démissionner sans tarder. Et maintenant, c'est Joanne Sfar qui joint sa voix à celle qui proteste contre sorte l'équipe qui organise cet événement. Alors, il évoque un festival qui s'est mal occupé de la profession. Il dit, je cite, « Il a fallu attendre les scandales de cette année pour que tout le monde s'énerve, ce qui n'est pas normal. C'est que personne n'est heureux, ni la localité, ni les éditeurs, ni les auteurs, ni le public, et même les fondateurs ne sont pas d'accord. Le festival a été pris en otage à cause de ce monsieur Bondou qui emmerde tout le monde et qu'on n'ose pas virer parce qu'on est très bien élevé. » Alors, voilà ce que dit Johan Sfar là-dessus. Et dernier clin d'œil, Shibuya Productions et la maison d'édition japonaise Shueisha organisent un grand concours de manga, le Magic International Manga Contest. Les inscriptions qui sont ouvertes dès le lundi 4 avril et participants qui doivent envoyer leur histoire en 31 planches avant le 30 septembre 2016. Après une présélection qui déterminera les 10 meilleures œuvres, le jury, composé entre autres du rédacteur en chef de Shonen Jump et d'un célèbre mangaka chez Shueisha dont le nom n'a pas encore été dévoilé, vont accueillir les candidats retenus au Monaco Anime Game International Conference 2017 pour la finale. Il s'agit, nous dit-on, d'un concours international qui va permettre d'ailleurs au grand vainqueur d'avoir son œuvre publiée sur Shonen Jump, également de passer un mois au Japon. Donc, pour avoir un peu plus d'informations, on fait à partir du 4 avril sur www.magic-ip.com. Pour plus de détails, on redirigera également cette nouvelle via notre page Facebook. Alors, la page Facebook derrière de la vie en BD, facebook.com/laviebd, tout simplement. En musique, cette semaine, on va du côté de 8-Bit People. On écoute quelques extraits d'un album de Doom Cloud qui s'appelle The Masquerade et on en écoute immédiatement un premier. Et on poursuit le regard sur différentes parutions, mais pour notre prochain segment, on se rapproche un peu plus de nouveautés plus récentes, puisque ben, tranquillement, les parutions reprennent un certain rythme du côté québécois, notamment Mécanique Générale, qui, il y a quelques semaines, nous a offert La Demoiselle en blanc. C'est un récit d'Éléonore Goldberg et de Dominique Parenteau-Leboeuf. Les deux sont avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être d'emblée, si on place un peu le décor, là, si on met la table pour la discussion, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de la genèse de La Demoiselle en blanc, un récit qui est lié à l'œuvre photographique du dadaïste franco-allemand Roald Hausmann? Oui, alors, bonjour, je suis Dominique Parenteau-Leboeuf, je suis la scénariste de La Demoiselle en blanc. Alors donc, je peux vous parler de la genèse parce que c'est une histoire qui origine en fait de ma rencontre, pas physique, mais de ma rencontre avec les œuvres de Roald Hausmann quand j'étais en résidence d'écriture en France, dans les environs de Limoges. Roald Hausmann a vécu les dernières décennies de sa vie dans ce coin de Limoges et il est mort là. Et donc, il y a un musée dans le coin de Limoges qui à Rochechouart, pour ne pas le nommer, qui possède beaucoup de ses œuvres. Alors moi, on m'a invité à faire une performance dans le cadre de ce musée-là et j'ai découvert, en fait, en écrivant ces textes-là, les œuvres de Roald Hausmann, ses œuvres photographiques, ses œuvres picturales en général, et j'ai été vraiment sidérée. Et ce qui m'a le plus touchée dans ses œuvres, c'est ses photographies noires et blancs qu'il a prises quand il partait en vacances avec sa femme et sa maîtresse au début des années 30 à l'île de Sylt, sur la mer Baltique, au nord de l'Allemagne. Et il a fait des nus photographiques de sa femme et de sa maîtresse et des dunes, de la mer Baltique, des herbes hautes. Et puis, c'est des photos remplies de tant de sensualité et de beauté. J'ai été envoûtée, séduite. Et en fait, j'ai imaginé une photo qu'il aurait pu prendre, mais qu'il n'a bien sûr pas prise, et c'est la photo de la demoiselle en blanc. Et au départ, justement, ce choc-là, si on peut dire, vous a amené à écrire d'abord une pièce de théâtre qui a été présentée, entre autres, au Jamais Lu du côté de Montréal. Et qu'est-ce qui a amené, justement, aussi à choisir de prendre ce récit-là et à le mettre éventuellement dans les mains d'Éléonore Goldberg pour en offrir une autre mise en scène, mais plutôt que sur les plans, sur scène, mais de l'offrir la mise en scène sur les planches? Mais en fait, c'est lors de la lecture, justement, on Jamais Lu, mon amie, la comédienne Louise Bombardier, est venue assister à la lecture. Et spontanément, après, elle m'a dit, mais Dominique, ça serait un si beau roman graphique. Et mon amie Louise est une femme avec énormément d'instinct et un très bon instinct artistique. Et quand elle m'a dit ça, ça a résonné quelque chose de très fort en moi. Puis je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi pas? Parce que l'histoire était... La pièce de théâtre était très imagée, c'était une succession d'images, c'était plein d'évocations, et qui pouvait très vite se transposer en images. Alors j'ai commencé à faire des recherches et je suis allée chez Mécanique Générale, et c'est grâce à Renaud Plante, l'éditeur de Mécanique Générale, que j'ai fait la connaissance d'Éléonore Goldberg. Et Éléonore, de votre côté, comment justement on reçoit un projet comme celui-là? Renaud m'a contactée, m'a proposé de lire la pièce. Je l'ai lu plusieurs fois et j'ai tout de suite aimé, en fait. Je me suis retrouvée dans la pièce. Il y avait plein de thèmes, en fait, que j'avais déjà abordés dans mon travail en animation et même en BD. Donc, ça n'a pas été difficile pour moi de trouver, d'imaginer des scènes, de voir des images. Et donc, voilà, donc j'ai rencontré Dominique. On s'est entendu tout de suite et puis on a commencé à réfléchir un peu justement à qu'est-ce que ça pourrait donner comme roman graphique, comment est-ce que je verrais ça, les couleurs, est-ce que ça serait en couleur, est-ce que ça serait en noir et blanc. Donc c'est un peu comme ça que ça a démarré. Oui, parce que évidemment, j'imagine qu'un défi, un double défi. D'un côté, on a un récit qui à l'origine était déjà très très imagé, avait beaucoup d'éléments de proposition visuelle, si on peut dire, à travers le langage de Dominique Parenteau-Leboeuf. Parallèlement, la source elle-même de ce récit-là était un univers photographique, les photos d'Haussmann. Donc, j'imagine que déjà, ça donne des orientations claires à la manière dont on va porter en image ce récit-là. Oui, ben c'est vrai qu'il y avait les photos de Raoul Haussmann que j'ai été voir et qui ont été inspirantes, mais j'ai fait aussi beaucoup de recherches par rapport aux événements historiques, le matériel aussi, le matériel photographique de l'époque. J'ai contacté le musée de la photo en France et j'ai pu avoir des documents qui m'ont servi de référence pour dessiner du matériel à grandisseur. J'ai fait des recherches pour les appareils photo, j'ai fait des recherches sur l'île de Sylt, j'ai fait pas mal de recherches, donc aussi sur les événements historiques. Il y avait des événements historiques que je connaissais moins bien que d'autres, donc il y avait toutes ces sources là qui étaient qui m'inspiraient pour le dessin. Et puis bon, l'écriture de Dominique était oui très imagée, très poétique. Et ça, c'était plus, comment dire, personnel. Enfin, j'ai abordé ces moments-là de manière plus personnelle. Et parce qu'il y a un peu deux éléments qu'on pourrait mettre côte à côte dans La Demoiselle en blanc. D'un côté, il y a justement, on l'a mentionné, ce côté historique, dans le fond. Au fil des pages de La Demoiselle en blanc, on découvre un regard sur les années 1930, sur la Seconde Guerre mondiale, sur le temps qui passe, sur les Jeux olympiques de Munich, la chute du mur de Berlin. Donc, il y a un côté très très historique où, dans le fond, l'histoire nous permet de saisir aussi le temps qui passe dans cette chambre-là, dans cette maison-là. Oui, c'était un truc scénaristique aussi que j'avais trouvé, mais qui se retrouvait évidemment dans la pièce de théâtre, qui était d'avoir un témoin, une façon d'être témoin de ce qui se passe à l'extérieur. Pour moi, je me disais, les œuvres d'art sont comme doué d'une vision qui va bien au-delà de celle des êtres humains, parce que les œuvres d'art communiquent avec l'humanité au complet. Donc, j'ai étendu leur regard, le regard de la demoiselle et de son compagnon d'infortune, Shada, une esquisse de chat dadaïste. J'ai étendu donc leur regard à l'humanité, puis en leur accordant une petite fenêtre qui est située dans la salle de bain au deuxième étage, au-dessus des toilettes. C'était comme leur œil sur l'humanité. Donc, ça nous permettait de continuer d'être en enfermement à l'intérieur de la chambre noire et de la maison, mais aussi d'avoir un regard extérieur sur le siècle qui passe. Et puis, c'est une façon aussi pour moi comme auteur, de me réapproprier un siècle dans lequel je suis née et qui m'a vu grandir et qui fait aussi partie, même si l'histoire européenne, c'est aussi notre histoire, c'est l'histoire de notre civilisation. Et donc, ça me permettait aussi de m'approprier d'une certaine façon cette histoire-là, cette grande histoire-là avec un grand H. Puis en faisant aussi intervenir un personnage québécois dans l'histoire, ben là, d'y ajouter une petite dose encore plus personnel de notre culture à travers cette grande histoire-là. Puis en parallèle, on a aussi le drame qui est vécu, si on peut dire, par cette photographie-là, ce négatif qui a conscience d'exister, mais en même temps qui se retrouve un peu enfermé dans une demi-vie, dans une éternelle attente. Et à travers ça, vous explorez un brin l'idée de l'être, l'idée du devenir, et l'idée de la quête de soi-même, d'une certaine manière. Absolument. Je pense que quand j'ai créé le personnage de la demoiselle en blanc, donc quand j'étais en résidence à Limoges, j'avais 27 ans. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps. Puis, j'étais une jeune auteure en quête d'incarnation. Et je pense que c'est de tout de là que ça origine, en fait. Mais je pense aussi que près de 20 ans plus tard, alors que cette demoiselle-là vit toujours maintenant à travers une BD, c'est toujours aussi vrai. L'incarnation, la recherche d'incarnation, je pense que c'est à tout moment de son existence, on cherche à s'incarner le mieux possible, être soi-même avec le plus de ferveur, le plus de force vitale. Et je pense que la demoiselle, elle incarne ça dans la fragilité de sa pellicule et dans son état même de négatif, d'être l'envers de soi-même, de pas être à son état final. C'est une métaphore qui peut être peut-être même plus parlante que si j'avais voulu raconter une histoire d'incarnation avec un personnage. Parce que là, on comprend exactement de quoi il est question immédiatement. Et à travers ça, évidemment, on se retrouve en image dans un récit comme celui-là où il faut que le dessin, l'ambiance qui en ressorte puisse porter ces émotions-là, puisse permettre à nous, lecteurs, de pouvoir s'immerger, si on peut dire, dans l'univers, dans la psyché de cette demoiselle en blanc-là. Donc, on parlait un peu du choix des couleurs, du choix des textures. Comment s'orienter un peu ces décisions-là pour réussir à bien rendre, justement, ces éléments-là, les rendre palpables? Oui, alors au début, les questions autour de la couleur, c'était surtout pour peut-être créer des séparations entre la réalité et le rêve. Et puis à un moment donné, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop systématique, peut-être une façon un peu trop facile de faire une différence entre deux mondes. J'ai fait le pari que la couleur, l'apparition de la couleur n'était pas nécessaire, qu'en fond, le noir et blanc suffisait à lui-même, qu'il y avait suffisamment de nuances dans les lazis, que c'était suffisamment riche et que de toute façon, le texte, si le lecteur lisait le texte, le lecteur allait comprendre qu'on passait d'une réalité à un rêve. Donc, et puis je me suis mise à dessiner en noir et blanc, et puis je l'ai plus lâché, et ça me semblait plus vraiment nécessaire. Je pense aussi que c'était quand on a abordé aussi Éléonore, Renaud et moi, c'est que il y avait aussi c'était ces dessins-là en noir et blanc qui nous avaient séduits, et donc on voulait. Dès le départ, il y avait une intention d'y aller dans les multiples teintes de gris, dans le noir et dans le blanc. Puis, je pense que Léonore était tout à fait, c'était tout à fait son intuition aussi. Donc, ça a été très vite très organique, en fait, de rester dans le noir et blanc. Puis ça aussi, on restait dans la photographie originale. Je pense qu'on restait dans cette histoire-là, dans les teintes de gris, de noir, de blanc des photographies d'Haussmann. Et ça nous a porté tout du long, cette espèce de vie en noir et blanc des années 30. ça porte le livre aussi. Puis le pinceau de Léonard le porte aussi très, très bien. Oui, puis en même temps, c'est cette demoiselle en blanc-là est un négatif, on l'a mentionné. Donc, ça donne aussi, j'imagine, il faut lui donner une teinte presque fantomatique pour qu'on sente qu'elle est à l'envers, dans le fond. Ben ça, c'était aussi le défi du livre, et c'est aussi ce qui m'a intéressée avec l'histoire. C'est quand j'ai lu le texte, j'ai beaucoup aimé tout de suite cette idée d'un négatif. Enfin, je le voyais animé, je voyais un négatif vivant, et c'était vraiment le défi de dessiner quelque chose en négatif, de trouver une technique et de le faire vivre sur les pages. Et c'était aussi quelque chose d'assez original, je trouvais. Dans l'histoire, en fait. Doublé en plus du fait que ce personnage-là, qui vient en négatif, est aussi, dans le fond, en deux dimensions, dans un monde qui, dans la réalité de la page, est un monde tridimensionnel. Donc, on doit sentir aussi, dans les jeux de perspective, cette dynamique-là. Dans ma tête, je me dis, c'est un bon challenge, là, comme on dit. Oui. Puis, ce qui est intéressant, c'est que Dominique, il a écrit cette pièce à 27 ans. C'est ça? Non, plus vieille que ça, mais j'ai écrit le petit conte original qui avait 5 pages, j'avais 27 ans, mais après ça, la pièce a été beaucoup plus tard, c'est en 2011. Mais quand j'ai rencontré Dominique, j'avais 27 ans, et justement, ce désir d'incarnation m'a sûrement parlé, parce que moi aussi, je suis au début d'une carrière, et je me suis retrouvée un peu dans les questionnements que posait Dominique. Mais elle n'était pas en train de vous dire qu'elle était en deux dimensions. Là. Non. Mais ce que je veux juste répondre à votre question quand même par rapport à la deuxième dimension, parce que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que je l'avais écrit, c'était écrit dans le texte, à un moment donné, elle se glisse sous la porte de la chambre noire avec Shada, et donc on imagine vraiment un papier ou une pellicule se glisser sous la porte, puis ça a été extraordinaire pour moi de le voir arriver en illustré. Quand on était rendu à cette partie-là du livre et que Éléonore est arrivée avec les illustrations, les deux qui se swingent en dessous de la porte, qui passent en dessous de la porte pour arriver dans le corridor, c'était tellement beau. Et c'est là qu'on le voit le mieux dans le début de l'histoire, cette espèce de difficulté d'avoir des personnages en deux dimensions dans un univers en trois, mais on le sent très, très bien dans le mouvement, puis le texte l'accompagne. Il y a une super belle fusion, je trouve. C'est pas que je veux nous flatter dans le sens du poil, mais je trouve que ça, c'est vraiment super bien réussi, cette fusion-là. Oui, puis à la limite, en fond, on pourrait même pousser un peu loin en disant qu'il y a une fusion très réussie entre le texte et le dessin, où le texte vient, en fait, où le dessin vient vraiment supporter l'ambiance. Vous avez suffisamment d'espace aussi, j'ai l'impression, pour nous transposer cette ambiance-là, pour la placer. Et en même temps, tout ça avec un texte aussi dans l'esprit journal intime qui crée, j'ai l'impression d'emblée, une certaine proximité aussi avec le personnage, où on se retrouve un peu à travers ses yeux même dans moultes séquences, là. Oui, absolument. Mais ce qui était extraordinaire, beaucoup de gens nous parlent justement de cette fusion-là entre le dessin et l'écriture. Puis je pense que ça vient du fait que quand Éléonore a pris connaissance du texte, je l'avais pas déjà adapté, scénarisé en bande dessinée. Donc, elle a lu la pièce de théâtre, elle a pu prendre tout en elle le texte au complet, l'histoire au complet. Puis quand elle a eu accepté de le faire, puis qu'on a eu les sous pour le faire du Conseil des arts et des lettres du Québec, puis qu'on s'est lancé dans le travail, mais j'ai scénarisé et Renaud et Éléonore m'ont accompagné dans les étapes de scénarisation. Donc, j'ai choisi moi comme scénariste qu'est-ce que je trouvais incontournable qui demeure comme parole, puis qu'est-ce qui pouvait être du ressort de l'illustration, du dessin. Mais ça s'est fait comme il y a eu une discussion, de la même façon qu'il y a eu une discussion autour de toutes les illustrations, de l'évolution des illustrations jusqu'à la fin du livre. Il y a eu ça aussi sur la scénarisation. Donc, Éléonore a pu vraiment bien appréhender et intégrer le scénario parce que elle l'a vu évoluer sous ses yeux. Et Éléonore, de votre côté, ben donc ça vous permettait d'aller d'emblée peut-être à la source, de voir un peu qu'est-ce que vous souhaitiez proposer, orienter, puis ensuite de voir un peu le scénario progresser. Mais ça devenait finalement, de ce que j'en vois, une création véritablement à quatre mains, on pourrait dire, là. Ouais. Oui. En fait, donc on se retrouvait quand même plusieurs fois pour discuter de la scénarisation. Je pouvais proposer certains passages. Ce passage-là, peut-être, n'a pas besoin de parole, mais ce passage-là, peut-être, moins de dessin, parce que le texte est très important, et puis c'était réciproque au niveau de mon travail, en fait. Et, euh, je sais pas, moi, quand j'ai abordé le livre, bah, en fait, ce que j'ai vu, enfin, l'histoire, j'ai surtout voulu insister sur l'aspect sensuel et poétique. Tout ce qui était historique, c'était un petit peu comme des espèces de repères, des piliers. Ça permettait de faire passer de quelque chose d'un moment à un autre, à une période à une autre. Il y avait aussi cette idée du mouvement, en fait, qui avait, en illustrant, je voulais prendre assez beaucoup de place. Je ne voulais pas dessiner trop petit. Le livre étant aussi d'une certaine taille, je voulais vraiment avoir de la place, en fait, sur les pages et avoir une gestualité assez libre. Et je ne voulais pas non plus de mise en page trop répétitive. Donc, il fallait que ce soit assez dynamique pour que la lecture se fasse fluidement, je ne sais pas. Et pour que, en fait, les deux lectures, la lecture du texte et la lecture des dessins. Donc, c'était assez intéressant, en fait, d'imaginer une structure, d'imaginer une mise en page libre, éclatée, mais en même temps variant avec des passages peut-être un peu plus réglés avec des cases, plusieurs cases par page, et à d'autres endroits plusieurs actions se passent en une seule page, comme passage par exemple des jeux de Munich, par exemple, ou le passé de Nevy dans le cimetière à Londres. Enfin, il y avait des moments comme ça clés où il fallait que ce soit dense. Et évidemment, on décrit tout ça en ondes, sans les éléments visuels. Je pense que la meilleure manière... Ça va être dur pour les auditeurs là, de comprendre ce dont on parle. La meilleure manière, c'est probablement d'aller chez nos libraires et de jeter un coup d'œil, justement, à cette demoiselle en blanc qui est disponible chez Mécanique Générale. Et d'ici là, Eleanor Goldberg, Dominique Parenteau-Lebeuf, merci à vous deux. Ben, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Puis moi, je vais être au Salon du Livre de Québec au mois d'avril. Alors, si vous voulez venir me rencontrer, ça va me faire plaisir. Excellent. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, voilà, on s'entretenait avec Eleanor Goldberg, scénariste, Dominique Parenteau-Lebeuf, scénariste, Eleanor Goldberg, dessinatrice, sur cet album, donc La Demoiselle en blanc, qui est arrivé tout récemment du côté de Mécanique Générale. Toujours écoute de la vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier toujours avec vous. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous trouvez toutes les émissions en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com et qu'au fil de la semaine prochaine, je réactiverai de manière plus proactive mon blog personnel sur voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, dans des petits commentaires de lecture, il y en a un sur lequel je suis tombé. J'ai réalisé que je ne vous en avais pas parlé jusqu'à récemment. Petit Poilu, tome 18, super poilu. Et en fait, j'avais envie de vous en parler. J'ai réalisé que je ne l'avais pas fait alors que pourtant ce livre-là est sur la pile de lecture régulière de mon garçon. Je suis un peu en mode initiation à la bande dessinée auprès de mon petit gamin et je le fais entre autres principalement à travers l'univers de Petit Poilu et tome 18 qui arrive un peu à point nommé puisque cet univers est autour du monde des super-héros pour ce tome et c'est pile poil si on a un petit garçon dans un imaginaire et une petite fille aussi en fait, faut pas limiter les choses. C'est pile poil dans l'imaginaire de l'enfance. En fait, je pense que ça arrive en cours de route dès qu'ils sont à l'extérieur d'un certain milieu familial, dès qu'ils regardent des jouets, émissions de télé ou à la garderie ou ailleurs. Ils tombent très rapidement en lien avec cet univers et l'idée d'avoir des super pouvoirs et de pouvoir s'imaginer des choses beaucoup plus larges que celles du quotidien, ça ouvre beaucoup de portes. Alors évidemment, pour l'amener vers un récit de super-héros, c'est déjà, il y a quand même un bonus. Évidemment, ce bonus-là est disons, contrebalancé par le fait que c'est pas nécessairement le meilleur Petit Poilu en termes de rebondissement d'histoire. C'est quand même une morale qui est un peu plus, disons, classique, un peu plus attendue que d'autres récits, à mon sens. On parle évidemment ici d'avoir confiance en soi, de se méfier des apparences, de mettre en valeur nos qualités, de risquer, en fait, de risquer soi-même et de ne pas avoir nécessairement besoin d'être un super-héros pour accomplir des grandes choses. Alors ça, c'est un peu l'aspect moral. Mais reste que, indépendamment de cette morale un peu plus classique attendue et le reste, ben, le récit fonctionne à l'image des 18 autres Petits Poilus. Une série absolument superbe pour les jeunes lecteurs et les très jeunes lecteurs de BD. Alors, évidemment, eux apprécient l'univers, cette narration qui est 100% visuelle, où on peut leur transmettre tranquillement le langage des cases, l'ordre de lecture, où eux éventuellement peuvent faire eux-mêmes leur récit, commenter eux-mêmes ce récit-là. Alors, ça fonctionne, évidemment. Dans ce cas-ci, donc, on retrouve Petit Poilu qui s'en va, comme à l'habitude, dans un monde fantastique. Il se retrouve face à un super-héros qui se regarde dans le miroir. Il y a un chat qui est en détresse, le super-héros ne fait rien. Petit Poilu va le sauver, se rend compte finalement que le super-héros était un gamin déguisé qui se crée des muscles factices, et Petit Poilu le joindra dans cette création factice pour se rendre compte que peut-être que ce doux mensonge qui certes leur fait plaisir, ben les empêche peut-être d'accomplir les grandes choses pour lesquelles ils sont destinés. Alors ben voilà, donc je le mentionne au passage, c'est une série, si jamais vous avez des bambins, des jeunes enfants, ben que vous devez, je pense, absolument lire, absolument leur proposer également, ça fait des très beaux moments de lecture parents-enfants, et évidemment, Super Poilu qui, par son argumentaire, nous permet d'aller chercher le jeune, mais qui n'est pas nécessairement le meilleur de cette série, mais qui reste tout de même, certes, très solide. Alors ben voilà, pour ce petit clin d'œil, et on repart en musique maintenant, toujours avec cette formation Doomcloud et leur album de Masquerade. Notre prochain échange, notre prochaine discussion ici à la vie en BD, on va porter notre regard sur une autopublication, enfin sur une publication du Dave Studio qui s'appelle Pierre et la Pierre, et dans un contexte où la diffusion de Pierre et la Pierre et d'autres productions de Dave Studio sera élargie, puisque ces récits seront maintenant disponibles dans moult dépanneurs au fil de la province, et on avait envie de jaser un peu de cette série en compagnie du scénariste Jean Marquis qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, ben d'emblée, peut-être, situons un peu l'univers, Pierre et la Pierre, un univers humoristique, absurde, déjanté. Oui, mais dans le fond, Pierre, c'est le deuxième personnage de l'univers de Martin le Ninja qui existait déjà. Martin le Ninja, c'est une création de David Terrien, justement, le fondateur de Dave Studio. Et je suis également libraire à la boîte à BD à Laval. Et je vendais ces BD au fil des années. Et bon temps allant, avec d'autres projets, on est venu plus près et j'y ai proposé qu'on fasse un truc ensemble. Oui, parce que c'est CBD, dans le fond, Martin Ninja, ça marchait bien, c'est quelque chose qui sortait bien, que tu appréciais. Localement, ça allait très bien. Écoute, c'était la première BD indépendante que j'ai rentrée il y a plusieurs années et j'ai beaucoup aimé ça. Je l'ai montré à ma clientèle, puis on en vendait, puis j'en redemandais, puis j'en redemandais. Donc, à un moment donné, on se dit, OK, il y a peut-être quelque chose là. Puis, qu'est-ce que fait, justement, que toi, t'as eu envie de faire le saut puis de dire, ben, hey, est-ce qu'on pourrait en faire une à côté, puis est-ce que je pourrais te la scénariser? Ben, en fait, parce que il y a plein de projets, c'est tout connecté avec un plein d'autres trucs. David m'avait aidé à lancer le projet là, de la boîte à BD, le comic book, pour la journée BD gratuite. Et c'est là, alentour d'un souper, que j'ai dit, hey, coudonc, on fait tellement de trucs ensemble, là, j'ai le goût d'écrire de quoi. J'ai tout le temps voulu écrire un roman, ça n'a jamais vraiment fonctionné, je n'ai pas les talents là, d'auteur pour écrire un livre. Mais j'ai plein d'idées dans la tête, et puis David il a accepté. Écoute, j'ai été plusieurs mois à essayer de trouver, bon, un personnage qui fait quoi. Là, moi, je connais la vente au détail, fait que j'allais dans ce terrain-là, mais je dis, je veux pas que les gens associent ceux qui me connaissent à moi. Fait que je dis, OK, lui, il va être super méchant. Il va vendre autre chose que je connais pas du tout. Et tranquillement, pas vite, le personnage a pris forme. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai vraiment décrit l'intérieur du personnage. Mm-hmm. Il est vraiment méchant, il est malhonnête au bout. Fait que j'ai montré ses intentions à David, puis David a créé vraiment le visuel. Fait que ça a été une surprise. Selon mes écrits, David, lui, il l'a vu dans sa tête. Puis il a mis la moustache, les pantalons bruns, puis tout ça. Ça avait été vraiment une surprise quand il m'a révélé là, le personnage. Puis donc, lui a créé le visuel, il a créé un peu l'enrobage, puis après ça, tu étais parti de ça pour développer le scénario du premier tome. C'est ça. Ben, on l'a vraiment inclus dans. Au plus j'écrivais, plus j'essayais d'écrire. Ben, j'écris d'autres trucs pour d'autres auteurs, puis j'essayais tout le temps d'écrire dans le style du dessinateur. Mm-hmm. Puis là, plus j'allais, plus. Pour me rapprocher de David, mais j'ai dit, ben là, pourquoi on ne fait pas dans l'univers de Martin? Il dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Alors, fait que c'est ça. Oui, puis c'est un univers, dans le fond, comme lecteur, déjà, tu connaissais, c'était ton premier contact avec David Therrien, donc c'était peut-être... Est-ce qu'il y avait une certaine facilité, une certaine aisance à dire, OK, on plonge dans le côté absurde, dans le côté déjanté, dans le côté humoristique de cette série-là? Oui, mais c'est ça, mais c'est très vaste, parce que oui, c'est le côté humoristique, mais derrière ça, c'est sérieux, c'est basé sur toutes les choses de la Bible, Satan, mmh. Dieu et tout ça. Il y a du tout un fond de vérité derrière ça. Fait que moi, j'étais allé de l'autre côté parce que justement, dans une de ces escroqueries, Pierre fait l'acquisition de la fameuse pierre. Et sans qu'il le sache, cette pierre-là a une malédiction. Mm-hmm. Mais lui, il est super content. Il dit « Ah, ben je vais la revendre encore plus cher, puis je vais faire de l'argent. » Mais là, ça attire l'œil de certains autres personnages qui ont l'œil sur... Ils veulent s'accaparer de ce pouvoir-là. Mm-hmm. Mais il est comme devenu porteur de la pierre sans le savoir. Lui, il s'en rend pas compte. Et dans le tome 2, tu nous amènes, en fait, tu as choisi d'ancrer ton récit en partie, du moins, dans l'univers de la lutte professionnelle. Pardon? Tu as choisi d'ancrer une partie du récit dans l'univers de la lutte professionnelle aussi, ou du moins de partir de ça. Ah oui, de la lutte professionnelle, oui. Ben, c'est ça, parce que mon personnage, qui Martin Luther King, lui, il veut le pouvoir absolu. Il y a des politiciens dans ses... dans ses petites poches, il y a de l'argent, il y a la célébrité, il y a tout, mais il en veut plus. Fait que là, il y a ses agents lui ont localisé des indices sur la fameuse pierre, puis il parcourt le monde pour essayer de la trouver. Mm-hmm. Puis dans le fond, elle est dans sa cour. et en même temps, ce que je trouve rigolo, c'est qu'à la limite, le tome 2, on dit c'est Pierre et la pierre, mais à la limite, le Pierre du titre est presque un personnage secondaire de son récit. Oui, ben je voulais montrer justement la motivation. Le deuxième, il est vraiment pour montrer l'attirance de la pierre aux gens qui veulent la posséder pour son pouvoir. Donc dans le fond, d'offrir un autre point de vue, si on peut dire, sur l'enjeu de cette pierre-là. C'est ça. Dans le tome 1, il finissait dans un asile, et là on poursuit à la fin avec ça, là, parce que les il y a quelques Le King le retrouve et veut s'en emparer. Et évidemment, c'est une série en fait qu'on sent penser pour un certain long terme, si on peut dire. Est-ce qu'on s'est lancé un peu avec un objectif? D'ailleurs, on va essayer de la faire durer X volume ou? Ah oui, déjà, on achève le tome 3 qui devrait sortir en dépanneur le 7 avril. Mm-hmm. Et je suis déjà en train d'écrire. J'ai déjà la moitié du tome 4, l'écriture est à la moitié, et mon tome 5 est déjà en préparation aussi. Donc, on voit à l'avance, là. On sait où on s'en va. Oui, puis on a rajouté plein d'autres trucs pour en faire quelque chose d'un peu spécial. Dans chaque numéro, on dessine une vraie personne, puis on l'inclut dans l'histoire. Uh-huh. Mais des personnes, dans le premier numéro, dans le numéro 1, j'avais vu par hasard à la télévision, à Infoman, le fameux monsieur qui portait la tuque de bison. Je ne sais pas si tu connais ça. J'ai manqué cet épisode-là, je pense. OK. Mais ce gars-là porte la tuque de bison et la fait toucher aux gens. Et la tuque est comme un être en tant que tel et apporte la chance et la prospérité aux gens qui la touchent. OK. Il y a 4000 personnes qui ont porté la tuque de bison, dont Bernard de Rome, Jean Béliveau et on en passe, là. Fait que je trouvais que lui, en tant que tel, c'est un super personnage de BD. Puis il a accepté de jouer le jeu, d'être un personnage dans le numéro 1, puis c'est devenu comme un de nos trucs qu'on fait dans chaque numéro. Dans le numéro 2, on a Louis-Philippe Couteau, le magicien volant, qui fait partie de l'histoire, qui affronte le King lui-même. Et dans le numéro 3, on va avoir le groupe pop-rock Sherlock, là, qui va faire partie de l'histoire aussi. Et tu mentionnais tantôt, Jean-Marquis, en fait, disponible dans les dépanneurs. Ça c'est nouveau aussi. Autant pour Martin Ninja que pour Pierre et Lapierre, c'est l'idée que Dave Studio a élargi sa distribution et sort un peu des circuits traditionnels où on aurait tendance à retrouver des publications indépendantes. Oui, bien écoute, localement, je cartonne avec ces titres-là. Mais on voulait... là, j'ai embarqué dans l'aventure avec David, puis on voulait aller plus loin et le proposer à des librairies, ça a été mes figues, mes raisins, là, les résultats. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Puis en revenant du Festival de BD de Québec, justement, où on avait été pour montrer nos BD, on fait de la route, fait qu'on a le temps en masse de discuter. On a fait un petit détour, on s'est retrouvé sur le bord de l'eau. Il n'y avait rien, il y avait les cabines de travail d'un côté, et de l'autre bord, il y avait un dépanneur. David, il dit, hey, on arrête là. On va aller vendre nos BD là. Il dit, il n'y a pas rien d'autre de disponible ici pour les gens qui habitent ici ou qui travaillent ici. Fait qu'on va aller leur proposer directement. Mmh. Là, la propriétaire n'était pas là, mais la femme qui remplaçait a fait, c'est bien le fun, ils nous ont acheté une copie. Okay. Fait que ça a donné, on fait, ah oui, c'est une bonne idée. Puis on a eu une confirmation. Jean-Dominique Leduc faisait des chroniques de balado de diffusion pour les éditions Mémoire. Et son première qu'il avait faite avec Michel Viau, il parlait justement des le magazine Crow qui avait cartonné dans les dépanneurs à l'époque. Fait que ça nous a confirmé qu'on était sur quelque chose. Oui, puis en même temps, vous arrivez aussi avec un format qui est plus à mi-chemin entre le magazine, j'allais dire peut-être plus le comics américain aussi, donc quelque chose qui est plus petit, qui est plus léger qu'un livre à proprement parler, donc à la limite qui peut se retrouver peut-être plus joyeusement dans des étalages au travers des différents types de magazines. Oui, mais à la base, je pense que c'était un des problèmes pour la librairie, c'est que on avait c'était pas un vrai livre pour les librairies. Et autant quand on allait dans des festivals de zine, ben il était trop beau. On fitait nulle part. Fait que là, on a trouvé vraiment notre niche à travers les dépanneurs. Oui, puis en fait, avec Yazid Aranoff aussi qui a fait le saut justement de son côté. Donc, l'idée d'aller réexploiter, se réapproprier dans le fond ce réseau-là qui avait été essentiellement délaissé là, par la production BD en dehors de justement Safari et d'autres magazines du genre. Mais c'est beaucoup plus limité aujourd'hui que c'était il y a 20 ans. Ben oui, tu vois, le premier Martin, il est rentré en dépanneur, je me rappelle bien, en janvier 2015. Mm-hmm. Fait que là, on était vraiment contents qu'il y en a d'autres là, qui suivent nos traces. Là. C'est vraiment, on a peut-être parti quelque chose. Et enfin, on verra, on s'en reparlera en cours de route pour voir justement comment ça s'est passé tout ça, comment la transition se fait. Mais évidemment, j'imagine que ça donne aussi, en terminant, une pression additionnelle en disant, ben OK, on fait des grosses premières impressions, on sort complètement de nos réseaux acquis, entre guillemets. Donc, il faut aller convaincre plus de lecteurs à travers les volumes qui s'en viennent et celui qu'on vient de produire. Mais ce qui est bien avec justement Messagerie Dynamique, c'est que la représentante travaille avec nous. Mm-hmm. Elle voit les endroits qui sont moins propices, ça a moins bien marché, on les retourne pas là. Et elle était vraiment dans les librairies, dans les dépanneurs qui sont près des écoles et dans les dépanneurs qui ont des sections spécialisées, magazines, BD, ou ce qui vendent les archives puis tout ça. Bon, on se retrouve même dans certaines librairies dans leur section magazine. Mm-hmm. Donc ça permet de mieux cibler puis justement de mieux diriger dans le fond les livres là où il y a une demande. Donc oui, c'est ça. Ah, ben ça, c'est intéressant de tout ça, évidemment, et ça veut dire aussi que les gens qui nous écoutent, ben vous pouvez le trouver dans des dépanneurs. Alors, il s'agit simplement de farfouiller un brin. Pierre et la pierre, donc le scénario de Jean Marquis, dessin de David Terrien, donc c'est disponible via Dave Studio. Jean Marquis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on se reparle sûrement en route vers un certain samedi qui s'en vient au cours du mois de mai. Ah, fantastique. On se revoit. Bye-bye. Salut bien. Alors, voilà, Jean Marquis, je rappelle, scénariste, c'est lui qui était avec nous au bout du fil. Dernière ligne droite pour la vie en BD, toujours avec vous sur les ondes du 89.1 les vendredis de 17h30 à 18h30, Raymond Poirier avec vous, et maintenant, en compagnie au bout du fil de notre libraire en résidence, si on peut dire, Marco Duchesne, bonjour. Hey, salut. Évidemment, en fait, j'ai l'impression, je le mentionnais tout à l'heure, la production reprend la vitesse supérieure au niveau québécois, tout le moins en route vers le Salon du Livre de Québec, vers le Festival de la BD. J'ai l'impression que le ralentissement de début d'année aussi semble terminé, là, puis on prend bel air d'aller. Ben oui, on commence à voir entrer de plus en plus de nouveautés. C'est encore ténu, c'est encore mince, mais quand même, il rentre quand même de bonnes choses en librairie. En vue du printemps et du Salon du Livre. Et notamment parmi ces nouveaux arrivages, tu nous parles de Violette autour du monde, le tome 3. Ouais, en fait, j'y vais pour mes suggestions vont pour un public qui est encore tout à fait timide, qui encore se montre pas beaucoup, c'est les filles. Alors, j'ai choisi des suggestions à différents âges, mais surtout pour le public féminin. Et pour commencer, pour les petites filles d'environ une dizaine d'années, j'ai une série magnifique qui est commencée depuis le mois de janvier. On a eu 3 tomes coup sur coup. Alors, le 3e tome, la série s'appelle Violette autour du monde, et le 3e tome s'appelle En route vers l'Himalaya. Violette, qui est Violette? Violette est née dans un cirque qui fait le tour du monde, qui fait le tour de villes importantes à une époque où c'était encore des cirques qui se promenaient. Je parle du début du 20e siècle. Alors, Violette est la fille de Amélie, la femme canon, mm-hmm. une grosse madame, qui a épousé un professeur d'entomologie, celui qui s'occupe des insectes. D'entomologie, oui. Voilà, un professeur qui est devenu, lui, un dompteur des sectes. Oh. Alors, papa, maman ont donné une jolie petite fille qui s'appelle Violette, qui s'occupe des éléphants, qui fait des tâches dans le cirque. Et à chaque ville, eh bien, il arrive une aventure à Violette. Dans le premier tome, ils étaient à Paris, et dans son aventure, Violette a fini par rencontrer Toulouse-Lautrec. Hmm. Et là, de fil en aiguille, évidemment, la série, chaque tome nous ouvre les portes sur un genre en particulier, sur un genre d'art en particulier. Est-ce que ça vient orienter un peu le type de trait, le type de dessin, ou non, c'est simplement l'autre thématique? Non, le dessin, la façon de raconter reste semblable à la même. C'est très joli, le dessin est somptueux. La narration y est classique. Dans le deuxième tome, tu vois, elle était à Prague et elle rencontre Dvorak, le musicien. Okay. Alors, ce troisième tome est un peu plus personnel, car pourquoi l'Himalaya? Parce que le grand-père, Papi Tenzin, un vieux Tibétain, qui a accompagné le cirque depuis ses débuts, eh bien, désire retourner dans l'Himalaya, au Tibet. Et chemin faisant, c'est l'occasion d'avoir des souvenirs pour Violette, de comment se faire raconter des histoires, à se faire raconter l'histoire de comment Amélie, femme canon, a rencontré le prof Vermeer. Mais c'est aussi l'occasion de voir comment Papy Tsenzen, ce petit vieux qui, dans les deux premiers tomes, nous donnait de si savants conseils, de si sages conseils, pourquoi il veut y retourner. Mmh. Et en fin de compte, on va apprendre que, bon, le Papy Tsenzen ne réussira pas à faire le voyage et que c'est le cirque qui va amener ses cendres sur le lieu de naissance de Papy Tsenzen. C'est aussi une occasion de faire un album sur la perte, le deuil et tout, pour les enfants. Alors, c'est une magnifique série qui se lit comme des aventures classiques, mais qui nous passe des thèmes sur l'art et, comme le dernier, sur aussi des thèmes importants comme, bon, je sais pas, le deuil, la perte, la famille. Ça s'appelle Violette autour du monde, donc troisième tome, comme tu disais, Marco Duchesne, les trois tomes qui sont arrivés presque coup sur coup. Oui, chez Dargo. On passe maintenant à une deuxième série qui, elle, commence, Harmonie. Harmonie, tome 1, le titre Memento. Alors ici, on est un peu plus vieux, adolescent, pour les jeunes filles qui voudraient... Les jeunes filles accros de séries télé. Parce que ce premier tome fonctionne comme un premier épisode d'une série télé qui commence. Harmonie, en fait, l'ouverture, le prologue de la série, c'est deux espèces de frères, Mementoth et Azrael, qui, on voit bien, qui vit dans un passé très lointain, mm-hmm. un passé avant Jésus-Christ peut-être, où ces deux frères se font la guerre, ces deux frères se menacent, mais on constate que ces deux frères ont des pouvoirs. Oh. Alors, fini le prologue, on se retrouve dans un sous-sol, une jeune fille se réveille, et elle est dans un sous-sol, elle récupère, on voit qu'elle a souffert, mais elle est amnésique, elle ne se souvient de rien. Et elle a un énorme type, une armoire à glace du nom de Nita, ce monsieur s'occupe d'elle, la soigne, lui apporte à manger. Elle est prisonnière, on ne sait pas. Et au fur et à mesure, elle pose des questions, on obtient à moitié des réponses. Et à un moment donné, la jeune fille va passer de la cave dans une chambre au premier étage. Et là, tranquillement, elle va découvrir qu'elle peut déplacer des objets, qu'elle peut déplacer des choses. Et là, elle découvre ce pouvoir. Et finalement, Nita, le monsieur, va lui donner des indices sur qui elle est, qui est. Donc, c'est le côté série télé que tu disais, justement, ça nous voilà. sert à la parce qu'on découvre la mythologie de ce personnage-là, si on peut dire. C'est ça. Et jusqu'à la toute fin de l'épisode du premier album, les dernières pages où là, elle consulte une espèce de vieille dame chamane qui va lui donner la mémoire, la dernière page, elle se souvient d'eux. On n'a aucune idée de quoi elle se souvient, mais là, elle est attaquée. Et bref, on nous laisse sur un suspense, on nous a présenté des personnages, on va avoir droit à une série de fantastiques, mais d'action, de suspense, je te le dis, c'est une des belles séries qui promet, chez Dupuis, et accessible pour les garçons aussi, mais c'est vraiment, c'est de jolies couleurs, Harmonie, une jeune fille, je pense que va pouvoir séduire le public féminin. Et en terminant, Marco Duchesne, 3 minutes pour ton troisième titre, La tristesse de l'éléphant. Écoute, La tristesse de l'éléphant, encore une fois dans un cirque, mais là, un public un peu plus adulte, c'est l'histoire d'un petit garçon, un petit gros avec des lunettes, charroyé par ses collègues par les autres orphelins parce qu'il vit dans un orphelinat. Et son échappatoire, c'est que à un moment donné, un été, vient un cirque et il va s'éprendre de la petite Clara qui s'occupe des éléphants, qui s'occupe d'un éléphant, entre autres. Et au fur et à mesure, elle va revenir à tous les étés et lui va aller, va devenir son ami. Mmh. Et au fur et à mesure des étés, le garçon va finir par avoir 17 ans. Il va tomber en amour avec et un moment donné, il va l'épouser. Donc, c'est vraiment fait... Bref, c'est une histoire c'est une histoire d'amour à la Love Story. C'est très joli. C'est très sablonneux comme comme dessin. En fait, j'aime bien le principe, même juste le concept de ces histoires-là, où on se retrouve à chaque année, à un moment donné, où on prend, à travers ces rencontres-là, on prend conscience du temps qui est passé, et ça met de l'avant aussi toute la richesse qu'on trouve dans les ellipses côté narration BD, là, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Alors, il se passe des choses dans l'orphelinat quand arrive l'hiver. Il se passe des choses et tout. Bref, il y a une lenteur dans la lecture de cet album, dans la narration et tout. Et à un moment donné, va se développer, et à la deuxième partie, va se développer autre chose. C'est-à-dire que là, il va la demander en mariage et elle va accepter. Et là, elle va sortir du cirque. Et là, je volerai pas le punch, mais là, il va s'installer une autre histoire, un peu triste, parce que c'est la tristesse de l'éléphant, le titre le dit. Et là, mais c'est une jolie, jolie histoire, je te le dis, c'est vraiment à lire, c'est chez les Enfants Rouges. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu du style graphique, peut-être, aussi, avant de terminer sur la tristesse de l'éléphant? Ça ressemble beaucoup à ce que... Le style ressemble beaucoup à ce qui se fait pour la BD jeunesse, les Spirou, entre autres. Ça a un aspect un peu simpliste, avec de jolies couleurs sombres, mais le rouge est toujours pétant. Uh-huh. Le rouge apparaît toujours. Le petit garçon, Martin, je ne me rappelle plus son prénom, porte des chandails rouges, Clara, de jolies robes de soleil avec des fleurs rouges dessus. Et le reste est très sombre, très noir et blanc, mais gris. Tu comprends? Alors, oui. Tout ça ressort avec un dessin un peu enfantin et tout, là, même si tout ça, ça est une histoire un peu plus adulte. Alors ça, c'est La tristesse de l'éléphant, tu disais, aux Enfants Rouges. Et ces trois titres, en fait, Violette autour du monde, Harmonie, La tristesse de l'éléphant, où, oui, en fait, les lecteurs vont s'y trouver de différents âges, mais aussi les lectrices. Et j'ai l'impression que tranquillement, en fait, on se réveille, on se rend compte que c'est un public aussi qu'on peut développer, qu'on peut leur joindre, et qu'on peut leur joindre avec des histoires où simplement, dans le fond, on met une héroïne au cœur du récit, sans nécessairement avoir un récit, entre guillemets, pour filles. Ouais, non, tout à fait. En fait... La BD jeunesse, pour ce qui est de la partie jeunesse du primaire jusqu'au secondaire, la BD jeunesse s'est développée d'une façon exponentielle ces 10 dernières années. Et on exploite le côté pour les filles aussi. Tu vois, pour le primaire, les BD jeunesse qu'on voit poindre pour les intéressés ont des formats livres, car les filles sont beaucoup plus intéressés par les livres. Mmh. Donc, chez Scholastic, exemple, les formats sont des livres. Je pense aux titres comme Souris ou Drame, qui racontent les histoires de jeunes filles avec des drames quotidiens, des drames ordinaires comme avoir des broches, comme tomber en amour pendant les parascolaires de théâtre. Et tout ça est en livre. Et là, tu vois, par les personnages, comme Violette, pour les plus jeunes, ben on va chercher des personnages féminins forts qui vivent des trucs un peu excentriques. Eh ben voilà. Ben en fait, Marco Duchesne, merci beaucoup. Ah ben ça me fait plaisir. Puis on se dit à bientôt. OK. Salut bien. Salut. Voilà Marco Duchesne et ses commentaires BD. Et c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine de La Vie en BD. La semaine prochaine, on portera un regard sur la programmation du 29e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. On jasera également avec Stéphanie Leduc de sa bande dessinée érotique Dryade. Alors c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.